veux ne jamais t'aimer. Je veux juste qu'on s'effleure. Je veux pas d'un ciel étoilé. Une petite pluie sur tes joues. S'éternise dans un manche là. Je veux ne jamais t'aimer. Même si je m'écorche et je tombe, s'éternise dans un manche là.